Bienvenue à toutes et tous dans votre épisode du samedi, votre édition pour vous, chers tipeurs. Alors, vous le savez, la semaine dernière, je vous avais expliqué cela. Vraiment, un gros souci d'emploi du temps ne m'a pas permis de vous délivrer pour la première fois l'épisode du samedi. Alors, sachez que je m'en suis vraiment voulu, mais j'avais vraiment pas le choix. Mais voilà, donc l'épisode du samedi revient. Je vous remercie pour votre vraiment fidélité. Alors, vous le savez, le samedi, c'est la revue de presse rétro. Et au fil des semaines, cette édition inédite s'est vraiment recentrée sur cet aspect-là, vraiment précisément. Et là, j'ai retrouvé dans mes archives un courrier international datant du mois d'août 2009. Donc, ça nous fait grosso modo 9 ans. Alors, courrier international, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une parution que j'apprécie particulièrement, vraiment, et ce depuis vraiment peut-être plus de 10 ans, qui compile des articles venant de divers parutions internationales, comme son nom l'indique, pour vous les traduire en français, avec des thématiques, des dossiers, etc. Et donc sur une même thématique, sur un même dossier, vous pouvez retrouver des articles venant, je ne sais pas, du New York Times par exemple, d'un canard anglais, de la Stampa en Italie, bref, je vous donne des exemples comme ça. C'est assez intéressant, c'est passionnant et ça donne surtout une sorte de panorama d'opinion, de point de vue international sur des sujets. Ça nous fait sortir un petit peu de notre cocon franco-français. Ça, c'est toujours très intéressant. Et donc, sur ce numéro qui date d'août 2009, le dossier central concernait les jeux vidéo. Un dossier titré « Jeux vidéo, pourquoi personne ne peut y échapper ?». Alors, il est vrai que très souvent, dans cette édition inédite du samedi, je vous dis régulièrement, oui, alors c'est un dossier très très long, je vous prends juste quelques extraits comme ça, ceux qui me paraissent les plus pertinents, ce qui est vrai, alors sauf que là, c'est même pas long, c'est juste ultra méga saras long, énormément de papier, et là, l'émission ne ferait pas 2 heures, mais elle ferait genre, je pense qu'elle en ferait 3. Donc j'ai dû sélectionner vraiment des passages de ce grand dossier. Donc titré « Jeux vidéo, pourquoi personne ne peut y échapper ?» Et avant donc de proposer divers articles classés en thématiques traduits des quatre coins du monde concernant donc le jeu vidéo, ce dossier s'ouvre ainsi. Depuis leur apparition il y a une cinquantaine d'années, les ludiciels, c'est assez marrant comme terme, ont pris une place de plus en plus importante dans notre univers quotidien. Après avoir été l'apanage d'une petite communauté de joueurs invétérés, ils séduisent désormais toutes les classes d'âge. Avec 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, l'industrie des jeux devance celui de la musique et du cinéma, amenant les professionnels de ces deux secteurs à s'y investir davantage. Désormais, rares sont ceux qui osent encore crier haro sur ces œuvres ludiques. Scientifiques et pédagogues les utilisent. Les jeux vidéo sont partout, que nous le voulions ou pas. Alors, pour le premier extrait, je vous ai pris des passages issus d'un article qui est paru à l'époque dans The Economist, journal anglais quand même de renom, et qui nous dit notamment, je cite, que face à la morosité économique actuelle, faut-il s'étonner de la bonne santé d'une industrie qui permet à ses clients de s'échapper de la réalité pour voyager dans des mondes fantastiques. Alors que d'autres secteurs s'effondrent, les ventes des jeux vidéo atteignent des sommets. Un peu plus loin, on peut lire notamment une intervention de Alex Evans, qui travaille chez Media Molecule, le développeur britannique de Little Big Planet, jeu populaire sur PlayStation 3. Le jeu vidéo profite de l'explosion des vacances à la maison, dit Alex Evans. Oui, le papier nous dit que s'évader pendant une semaine dans le monde du jeu d'aventure Fable 2 coûte effectivement moins cher que s'offrir un voyage à l'étranger. Mais des turbulences sont-elles à prévoir ? Fin 2008, les grands éditeurs de jeux ont annoncé que des licenciements, des pertes et l'annulation d'un certain nombre de titres allaient être effectués. Les deux géants du secteur, Electronic Arts et Activision Blizzard, ont fait savoir que leurs pertes s'élevaient respectivement à 310 et 108 millions de dollars pour le troisième trimestre 2008. THQ, un autre grand éditeur, a pour sa part perdu 115 millions de dollars. Bon, THQ, on sait comment que ça va se terminer. Hélas, EA a indiqué qu'il allait réduire ses effectifs de 6% et se concentrer sur un nombre restreint de jeux. La grande question, nous dit The Economist, est de savoir si les nouveaux clients amenés sur le marché par la Wii continueront à acheter des jeux. Avec sa manette à détection de mouvement au maniement intuitif et son côté convivial, la console de Nintendo a attiré depuis sa sortie fin 2006 de très nombreux joueurs occasionnels. Mais cette grande force pourrait se retourner contre elle dans la mesure où ces joueurs, moins passionnés, réduisent plus rapidement leurs dépenses que les grands amateurs de jeux vidéo. Au Japon, où la Wii et la DS s'étaient révélées extrêmement populaires parmi les néophytes, la chute brutale des ventes depuis octobre 2008 constitue un mauvais présage. Si le secteur du jeu vidéo a résisté jusque-là à la récession, les choses pourraient bien changer en 2009. Selon NPD, en juin 2009, les ventes de ludiciels et de consoles ont diminué aux États-Unis de 31% par rapport à 2008. Les analystes estiment cependant que cette évolution pourrait s'expliquer par l'absence de jeux blockbusters édités cette année. On sait que depuis, la situation s'est grandement améliorée. Passons au New Statement, on reste en Angleterre, bien sûr. Et là, ça nous pose la question, et si le jeu vidéo était de l'art ? Bon, moi j'en suis persuadé, mais on sait que c'est un débat que certains se posent. En tout cas, la question était déjà posée à l'époque. Et donc ce papier nous dit, l'auteur même de ce papier, qui s'appelle Tom Chatfield, nous dit « Il est plus qu'illogique de refuser l'idée qu'il y ait de l'art dans des objets aussi amoureusement conçus et aussi créatifs que les jeux vidéo. » J'adore cette formule, je trouve qu'elle correspond tout à fait à la situation. « À mon avis, dit-il, débattre des qualités artistiques d'un jeu revient à discuter du point à partir duquel cette entreprise fabuleusement compliquée en est venue à un niveau particulier de concentration, de complexité et de résonance. » Un peu plus loin, le cher Tom nous dit « Le plus beau cadeau que nous pouvons léguer aux générations à venir, pour qui le monde d'avant les jeux vidéo semblera aussi improbable qu'un monde sans cinéma, l'est pour nous, c'est un engagement affirmé, perspicace et critique à l'égard de ce jeune média. » Là, j'ai envie de dire « Bravo Tom, il y a le beau geste là. » En tout cas, je me retrouve tout à fait dans cette opinion, vraiment. Un peu plus loin est déroulée la thématique des jeux indés, des studios, des créateurs indépendants, même si maintenant cela fait partie totalement du paysage, et tout le monde l'a bien intégré, du paysage vidéoludique. La scène indé, c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore pas si vieux que cela. Et donc, le Wall Street Journal donc, parle des indés. Il nous dit, en totale opposition avec la majorité des jeux vidéo à gros budget, le concepteur Genova Chen préfère la simplicité. Avec lui, pas de score à battre, il préfère des niveaux fluides et un jeu épuré qui ne requiert généralement que le déplacement du personnage. Claude, sa première grande réalisation, a été en partie inspirée par ses rêves d'enfance. Tout se déroule autour d'un jeune malade hospitalisé qui s'envole spirituellement alors qu'il demeure confiné dans sa chambre. Puis, après avoir lu l'œuvre du psychologue américano-hongrois Mihaly Csikszentmihalyi sur la théorie du flow, je pense que j'ai très mal prononcé le nom, mais waouh, faut se lever de bonne heure, et là il est très tard, donc c'est un petit peu compliqué. Si certains sont fans du personnage, vous m'excuserez. Donc il a lu la thèse de ce psychologue sur la théorie du flow, qui explique le mode opératoire de l'état mental humain. Il a créé donc Flow, un jeu qui permet de contrôler un organisme microscopique et d'explorer les profondeurs d'une vaste mer préhistorique. Flower, sa dernière création... à l'époque, Journée n'était pas encore sortie, je le rappelle. Donc Flower, sa dernière création, est sortie début 2009 pour la PlayStation 3 de Sony, qui avait apprécié ses travaux précédents. Genova Chen domine une communauté de créateurs de jeux vidéo indépendants, expérimentaux, en pleine expansion. À l'instar, nous dit le papier, du courant New Hollywood des années 70, qui a donné naissance à des réalisateurs tels que George Lucas ou Francis Ford Coppola, cette culture du jeu lance ses propres stars qui bouleverseront les canons de l'industrie vidéoludique tout en collaborant avec de grands éditeurs. Rusty Butchert, un producteur pour les studios de Sony à Santa Monica, déclare « Le prochain Shigeru Miyamoto viendra du milieu des indépendants et non de la voie traditionnelle. » Ça aussi, c'est une citation qui est assez forte, je trouve. Un peu plus loin dans ce papier, l'auteur, Jamin Brophy Warren, nous dit « Les éditeurs trouvent aussi un intérêt dans ce type de jeu dans la mesure où la prise de risque est fortement réduite. » Ce qui est vrai. Et l'auteur nous cite une déclaration de Tom Prata, l'un des dirigeants du département développement de Nintendo à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas à l'époque, il y était, c'est sûr, c'est gravé dans le marbre de Courrier International. Et donc, qui nous dit « Avec les titres à gros budget, si le succès n'est pas au rendez-vous, cela peut représenter un gouffre financier. Il devient donc de plus en plus difficile de financer ou de distribuer certains produits. » Encore plus loin se trouve donc une section nommée écran et tableau noir. Hein, un papier donc de El País. Hein. Donc là, on est en Espagne, hein, on est bien, il fait chaud, les petites tapas, on est tranquille. Et donc ce papier nous dit souvent décrié, les jeux vidéo sont pourtant d'excellents supports pédagogiques. C'est du moins l'avis de plusieurs spécialistes qui plaident pour leur utilisation en classe. Donc on apprend notamment dans ce papier qu'en 2008, hein, à Barcelone, la deuxième conférence européenne sur les jeux d'apprentissage a réuni une cinquantaine de professeurs, de psychologues et de chercheurs du domaine des loisirs électroniques appliqués à l'éducation. Ça, vraiment là, ça rigole pas, attention, hein. C'est du sérieux. Les 59 exposés présentés par des spécialistes de 23 pays de toutes les cultures ont abordé les vertus des jeux vidéo pour l'éducation. Comment les apprentis musiciens peuvent s'améliorer grâce au logiciel Groovy Music, les différences entre les enfants qui remplissent des sudoku électroniques et ceux qui les font à la main, les jeux vidéo prénataux, l'influence des jeux de réflexion sur la capacité de raisonnement des enfants, le rôle des jeux dans la lutte contre la discrimination sexuelle dans l'enseignement des mathématiques. Vous voyez que ça, là, ça allait vraiment dans une précision, j'ai envie de vous dire, assez extrême. On nous dit que Roméo et Juliette n'a pas été écrit pour enseigner la sexualité aux collégiens. Mais personne ne proteste plus contre son utilisation comme outil pédagogique. Il est aujourd'hui impossible de trouver mieux que le jeu Civilisation pour expliquer l'Empire romain en classe. Mais on ne l'utilise pas. Le principal obstacle vient du corps enseignant, qu'il faut former et qui doit s'adapter aux nouvelles technologies, explique Daniel Aranda, professeur à l'Université ouverte de Catalogne. Pilar Lacasa de l'Université d'Alcalá voit d'autres obstacles à la résistance du corps enseignant. Elle ajoute celle des familles des élèves. Elle nous dit « Les jeux vidéo ouvrent pourtant de nouvelles possibilités pour l'apprentissage, l'enseignement et surtout la participation en offrant une perspective dynamique et créative. » Un peu plus loin, hein, le papier nous dit « Les jeux vidéo doivent entrer dans les écoles pour préparer les élèves à ce qu'ils trouveront à la sortie. » Daniel Aranda nous dit « S'il s'agit seulement de noter le contenu, le système traditionnel suffit. Il est inutile de le changer. Mais si nous voulons nous adapter à la nouvelle situation, c'est-à-dire savoir où trouver le matériel, comment le distribuer, discuter en groupe, simuler, négocier, résoudre des problèmes de fonctionnement, le jeu vidéo est irremplaçable et indispensable pour le système éducatif. » Le papier nous dit, hein, pour conclure, il ne s'agit pas non plus de satisfaire la demande de l'association des utilisateurs de la communication qui réclame la création d'une nouvelle matière au collège et au lycée, la culture audiovisuelle. On ne trouve pas tout dans les livres, même si la communauté scientifique, tout comme le monde de l'éducation, ne veut pas entendre parler de ces ressources, jeux ou serious games. Ceci constitue sans aucun doute une nouvelle manière d'apprendre. Le psychologue danois Simon Angenfeld nous dit « Le jeu vidéo et le langage du futur dans l'enseignement. » C'est quand même assez fort, là, hein, ce qu'il nous dit. Il nous dit également, en classe, le jeu vidéo requiert la participation constante du professeur. L'élève ne peut pas être laissé seul parce qu'il a constamment besoin d'un retour sur ce qu'il fait. Il faut stimuler la participation. Les cours et les jeux vidéo doivent être étroitement liés. Voilà les passages, hein, que j'avais envie de vous livrer ce matin. Je les trouve très, très intéressants. Ils datent donc d'il y a presque 10 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait les ressortir et même appuyer certains propos puisqu'ils n'ont jamais été autant d'actualité. Et cette accessibilité, ce côté éducatif, ce côté les jeux vidéo sont partout, tout le temps. Tout ça a effectivement pris une ampleur d'autant plus grande de nos jours. Et je trouve que ce papier présageait déjà bien de tout cela. J'espère en tout cas que ça vous a plu, cet éclairage par courrier international. Nous pouvons continuer tout à fait la discussion sur les réseaux sociaux, sur le Discord, bref, où vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. Moi, comme vous le savez, j'ai mon déménagement à faire. Ça, c'est mardi. J'ai la préparation à faire avant. Je ne sais pas si la connexion Internet va bien suivre dans le nouvel, enfin, dans la nouvelle maison. J'espère que oui. Donc, nous, on se revoit mercredi, si tout se passe bien. Et peut-être quelques jours plus tard, si au niveau connexion internet, il y a des petits soucis. En tout cas, je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à rester à l'affût, hein, sur le compte Twitter, @revuedepresse, j'y vais, car c'est là que je communique le plus, je pense, et c'est là qu'il y a le plus d'auditeurs aussi. Donc finalement, vous voyez, tout ça a un sens. Bref, merci de votre fidélité, Et je vous dis donc à très très bientôt. Bye bye.